Chapitre 20. Une fête chez Suzanne d'Amour. Mais oui, cela s'était fait tout naturellement, par la force bête des choses et le charme de l'habitude, qui n'est qu'une veulerie morale et une paresse physique, non exempte de rétrospective et facile jouissance. Ça tournait au collage, un ménage, quoi. C'était comme ça. Roger de Charmeuse avait pris Suzanne d'Amour tout à fait à son compte, sans trop savoir pourquoi oui ni pourquoi non. Elle était sa maîtresse en pied et en titre, cette fois, sa petite femme de la main gauche, la plus près du cœur. D'abord, c'était joliment pur et swell de s'offrir au nez des snobs, rageurs sous leur monocle, la reine de Paris. Tout simplement et pour soi tout seul. Car on savait Suzanne capable de bien des folies, même d'être sage pendant 6 mois pour embêter le monde. Au cercle de la rue Royale, on ne s'abordait plus qu'en zézayant. C'est en des vents très chers. Songez donc, ce vide dans la haute galanterie. On ne pouvait plus se payer d'amour au mois, à la semaine, au jour et à l'heure, en s'adressant à sa vieille fée, la marchande de dessous en dentelle, définitivement saquée et mise au rancard. À telle enseigne, le procès annoncé est maintenant en cours. Oh, un scandale! Toutes les petites bourgeoises en crevaient d'indignation mortifiée et de jalousie noire. Cette fille-là mettait 1 000 francs comme un sou dans un pantalon. Et ses chemises, donc, comme si elle s'en servait seulement. Elle en avait pour 1 demi-million sur le derrière, rien que dans son déshabillé de scène aux Folies Bergères. On s'emballait, on délirait, on ajoutait des zéros aux chiffres, et les femmes vraiment honnêtes, les dames très bien, entre deux queues ou deux cornes faites à leurs chers époux, dans le monde des bas-fonds, cela s'appelle du beau paillon. Horreur, disait sévèrement. Oh Dieu, est-ce que vous croyez, baronne, que la police devrait permettre cela? Non, mesdames, mais c'était ainsi. Et le comte Roger savourait en gourmet ce régal de roi. Suzanne et Roger, on ne parlait plus d'autre chose. Certes, ils ne s'aimaient pas follement, mais c'étaient des amis. La belle d'amour avait été touchée par la grâce du fort chèque, si généreusement donné pour un instant. Et puis, la digne fille d'Ève, oh, pas curieuse du tout, aurait bien voulu savoir pourquoi le comte lui avait demandé la vague adresse du plus vague ragdal, pourquoi ce dernier roulait maintenant sur l'or, faisant de grosses affaires subitement, et raquait notoirement partout, comme par plaisir, pour déshonorer son nom et perdre le bénéfice d'un passé qui pouvait se traduire par nippe de braise. Enfin, tenir Roger, c'était se venger délicieusement de bon air. Un plaisir de déesse, le nec plus ultra des saintes ivresses. Car Suzanne d'Amour était rien rosse, et elle n'avait pas absolument volé le surnom de Madame Chameau que lui octroyait sa domesticité. Cette nuit-là, on pendait donc la crémaillère, une fête inouïe qui révolutionnait et scandalisait tout le parc Monceau. Elle dévorera Charmeuse et bon air avec, disait-on. C'est la ruine. La maîtresse du comte Roger se fichait bien des cancans. Elle exultait et triomphait, dédaignant même ses aumagiers qui se rabattaient sur le nouveau maître de séance. On félicitait l'heureux mortel qui se laissait faire, sceptique et souriant. Un monde fou se pressait, s'écrasait dans le féerique hôtel de la reine de Paris. Toute la presse était là, crayon en main. Suzanne, insoucieuse et solette, traversait ses salons en fête, la houppette en l'air, décolletée comme elle seule pouvait l'être, jetant un mot de ci de là, elle posait. Les bonnes petites amies avaient ressassé sur tous les tons qu'elle était brûlée, que jamais elle ne retrouverait plus quelqu'un de sérieux. Eh bien, on voyait, on n'avait qu'à regarder. Hein? Est-ce qu'elle avait pété plus haut qu'elle n'avait le cul, ta de morveuse? Ça y était-il? Elle jouissait de toutes les haines féroces allumées autour d'elle et dissimulées sous la grimace des sourires, avec, derrière, des dents aiguisées, prêtes à mordre, à déchiqueter. Elle eut subitement un petit cri de surprise. Tiens, monsieur Ragdal! Celui-ci, très à l'aise dans sa queue de morue et le claque à la main, s'inclina. Mes plus respectueux hommages, chère madame. Ah, qui donc vous a invité? Mais le maître de séance? Suzanne D'Amour eut un mouvement d'incrédulité et de mépris. Elle n'était pas pour gigolo. Et tournant le dos au cynique Rastaquer, elle s'en fut vers Roger de Charmeuse. Et sans ambages, elle lui demanda. Alors, c'est vous qui m'amenez ça? Le comte eut un haut-le-corps en apercevant son complice des assassins. Moi? Fit-il sourdement. Moi? Oui, mon cher. Vous? Qui donc vous a raconté cela? Mais quelqu'un de bien informé. Lui-même. Par exemple, cela passe plaisanterie. S'il en est ainsi, je vais vous en débarrasser. En ce cas, tous mes remerciements et compliments. Et elle fila encore, affectant l'indifférence. Mais elle revint sournoisement sur ses pas et se dissimula dans les tentures d'un petit salon japonais, guignant son amant et le sinistre dos. Ragdal, toujours maître de lui, avait reçu hardiment le choc, saluant Roger de Charmeuse à égalité. Mon cher comte, le gentilhomme l'interrompit net. Que venez-vous faire ici? Et l'affreux gredin de répondre. Mais la presse a été conviée à votre fête, et j'en suis. Faut-il vous apprendre que je viens de fonder le journal artistique La Pilule Dorée? Bien, faites-la avaler à qui vous voudrez, pas à moi. Je vous ai chargé d'une besogne, je vous ai payé, disparaissez. Tout beau, cher monsieur, je resterai. Si déchu qu'il fût moralement, le comte était resté brave. Il riposta d'une voix claire, menaçante. Vous pouvez dire, ici ou ailleurs, qu'une ancienne maîtresse m'a choisi comme père de son enfant et que, pour avoir la paix, j'ai assuré le sort de cet enfant de l'amour, ou plutôt du hasard. Que m'importe au fait? Beaucoup, très cher comte. Assez d'insolence. Vous vous prétendez mon invité? Or, comme je commande ici et qu'il y a des domestiques chargés de jeter dehors certains drôles de votre espèce. Oh, oh, fit Ragdal, un peu d'urbanité, mon gentilhomme. Ou à mon tour, je vais élever la voix. Eh bien, faites donc, et c'est moi, moi, entendez-vous, qui vous reconduirai par les deux oreilles. Il y a de vilains moments dans le métier de scélérat. Ragdal avait toute honte bue, pourtant. Il pâlit affreusement et siffla à l'oreille de monsieur de Charmeuse. Faut-il vous cracher à la face votre infamie, votre abominable tare conjugale? Un mot de plus, c'est fait, et demain tout Paris lira cela dans mon journal. La pilule dorée. Le comte de Charmeuse écoutait l'immonde chanteur, poings crispés, les yeux aveuglés de sang. Ragdal continua. Quand on est sous le coup d'une accusation criminelle. Criminelle? Oui. Substitution d'enfant. Mensonge, calomnie, chantage. Je prouve. Geneviève de Charmeuse, en réalité, la fille de votre maîtresse, introduite clandestinement auprès de votre femme comme nourrice, a pris la place de Rose Aimée, l'enfant du sculpteur Jean Robin, et non le vôtre. Jean Robin, gronda le comte, et à part lui, il rugit. Le misérable en sait plus que moi-même. Il répéta, vacillant sous le choc. Jean Robin, Jean Robin, oh, je tuerai cet homme. On peut se battre au moins avec lui. Ragdal, les traits décomposés, buvait tout ce mépris. Au fond de lui-même, il se revengeait par avance, en songeant qu'il déchaînait, qu'il traînait la mort, la hideuse camarade après lui. Combien voulez-vous encore? Interrogea le comte fiévreusement. Il faut compléter les 100 000. Soit, venez. Et il se dirigea vers le salon japonais où sa maîtresse s'était tapie derrière les rideaux. C'était un coin rouge et sombre, abandonné, où tout à l'heure les couples iraient flirter, et ces voluptueux et discrets buen retiro ne manquaient point dans ce paradis d'amour. Roger tira son carnet de chèques de sa poche d'habit, machinalement, mais il réfléchit. À la banque, il était au bout de son rouleau déjà. Bon air alors. Et il écrivit: Payez au porteur 50 000 francs, Roger de Charmeuse, bon air, banquier. Il tendit le papier à Ragdal, fébrilement. Cela ressemblait à une gifle. L'autre encaissa le tout, salua, glacial et digne, puis se retira. Le comte le suivit du regard, et haussant les épaules, il murmura fiévreux. Bah, tant pis. Elles ont raison, les filles. Après nous, la fin du monde. Et à son tour, il se perdit dans la foule des invités. Pauvre Roger, conclut Suzanne, qui avait à demi entendu et tout compris. C'est une putain, comme nous. La fête battait son plein de la musique, des parfums, des fleurs et des femmes, des rires et des larmes.